Malachie chapitre 4. Car voici, le jour vient, ardent comme un four, tous les orgueilleux, et tous les méchants seront comme du chaume, et ce jour qui vient, a dit l'Éternel des armées, les embrasera, et ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons, vous sortirez, et vous acquérez de l'embonpoint, comme de jeunes bœufs que l'on engraisse. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds, au jour que je ferai mon œuvre, a dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui je donnai en Horeb, pour tout Israël, des statuts et des jugements. Voici, je m'en vais vous envoyer Élie le prophète, avant que le jour grand et terrible de l'Éternel vienne. Il convertira le cœur des pères envers les enfants, et le cœur des enfants envers leurs pères, de peur que je ne vienne, et que je ne frappe la terre à la façon de l'interdit. Fin de livre de Malachie. Fin de l'Ancien Testament. Tous les textes bibliques contenus ici sont libres de droit. Vous pouvez les réutiliser, et les diffuser, sans mon autorisation. Vous pouvez lire, ou télécharger gratuitement une copie de la Bible David Martin 1855, sur le site web de Desmond Doché, à http://www.dieuenligne.com.